bambal, l'absurde, titi bloqué, l'ombolé, si papele la gué, la mère vinouelle, la mère vexée, la mère tombée près, la mère vingri, le père bandé. C'est ton camarade qui te gagne madame ni. Monsieur même madame dans pile. Mais monsieur mène un bac dit, j'en veux qu'on dit ou. Pour madame ni pas bal dit coup de main, vous comprenez? Parce que mon soir un système de boutons dit j'en penché, yo changé ou. Allez qu'il ou bagne l'autre non, incapable. Hein? Mais depuis monsieur marié avec madame ni, c'est un bel job. C'est un bel appointement la touché. Tout ça que nous c'est tout en paix. Tout ça le possède, c'est tout en paix. Paix cabane, paix matelas, paix frigidaire, paix radio, paix réchaud, paix bonne, paix gérant. Tout ça, c'est possédé, c'est tout en paix. Même si le bonjour, il n'est pas dit dans le travail, il est dans la caille, il est dans le pays. Patron dit, ah, next up, bam, traka. Si je me dégage, je me révoque, monsieur, le travail ne va pas marcher. Le lendemain, monsieur descend dans le travail. Paraît, il paraît, patron, fais l'observation. Monsieur vexé, monsieur viré d'eau, il dit le travail là. La caille. L'arrivée dit, chéri. Vous connaissez révoqué Marie ou. Si elle dit, oui. Affaire révoquée, ça c'est rance. C'est sorti dans la porte ça ou apporter dans la porte ça. Parce que j'ai une garçon capable de travailler. N'en peux pas travailler pour vous parce que j'ai une garçon capable. Oh. Mais ça fait femme dans la réponse de ces gens. Mais pas parce que Fia connaît. C'est quand ils font de réserve dans la pour 800 dollars dans la caille. C'est ça qui fait répondre, c'est comme ça. Mais si tu ne connais pas 15 centimes, il est tout le monde. Qu'on bouteille. Température a changé. C'est pas ta même bagaille. Hein? Oh, il y aurait été là, arrêté là. Il y a un misère dans le fond de réserve. Il y a mangé, à manger. Petit fond de réserve, la vie finie. Et puis, je ne sais pas, quand on a la caille, il a campé la brade en haut, la brade en bas. Pour le petit bol d'affaires, pour la rue, c'est une goutte pour le pot de la caille. Oh! Il y a des gars qui ont pas compris le matin. Quel est le papa là qui a mangé? Pas compris, nous disons, nous sommes faits comme ça. Je dis, ma chose, malhonnête. Au point de me dire qu'on t'y font réserve. Réserve a fini par rien, on finit de manger. Via dit pas besoin qu'on est. Parce que moi-même, depuis à la gêne, je vais maman. Bah, je vais un jour sans pas manger. C'est dans mon sel, ma vie subit pas ça. Et maman te parle, moi. Maman te dit, Maria, si tu l'as déré, ben, ça, je vais le faire. Là où est mon jour. Et ça, maman me dit, non, c'est ça. Je dis, ma chère, bon, pas que l'autre problème pour le faire. Étant donné tout le bagage dans la sans paix, n'a pas un peu bagage, il va pas dégager nous. Après ma travail, je vais me remplacer. Via dit, pas de vendre, pas de vendre. Yo a le pek aban nan, yo fon ni, l'ajan passe. Yo a le pek matla, ni fon ni, l'ajan passe. Yo a le pek frigidaire, ni fon ni, l'ajan passe. Yo a le pek radio, ni fon ni, l'ajan passe. L'arrivé même, révoqué pek bon nan, c'est lui même qui a fait manger la déguilée. Il révoque le père Gérard. C'est lui-même qui a séclé la boule. Ah, tout le bagage n'a pas la fin. Il n'y a pas rien pour le bagage là. Il y en a pas là. Oh, pour l'autre moment, maîtresse qui a la barrette, il m'a demandé la jantaille. Pas que 50 ans là pour payer. Oh, je dis ma boîte à Iwa, ma boîte à Iwa. Mon vieux caille boit à pain. Ma première vieux caille boit à pain. Je vais promener sous moi. Ma boîte à Iwa. Des grands petits jours pas sous côté, tu as le jour pas. Mais depuis que femme entre dans la caille, elle entre avec un tinac. Avec un tinac bobèche. Mais toute la nuit, fille a passé à dormir. Fille a prié, oh bon Dieu, quand elle est cassé, elle a trouvé moi. Quand elle est jolie, elle a trouvé moi, même Esther. Papa dormi sous la tinac bobèche devant moi. Aussi, maman paraît pour lui, mais elle a mis la saladie. Elle te parle, moi. Mais le patron, je suis très bien, non, non, pas frigide, non. C'est pas dans le son là, maman, la prépète, vieux bagaille, ça, yo. Oh! Et puis, je l'ai sorti. Mais je suis sorti, papa, je l'ai dégagé dans la rue. Et puis, je suis rentré avec mon camarade. Comme elle a dit, je ne sais pas où ça passe. Je dis, mon chauffeur, papa, papa, papa, de nos vieux jobs, pas trois par mes fortes têtes, moi, il révoque, moi. Son bien dit, mon cher, maintenant, des jobs là, papa. Laissez-moi le mettre dans le monde. Là, avec Joe, il mettait Joe dans le travail là. Oh, Joe voulait, Joe vient moi, Joe touche en moi. Là, Joe touche moi. Et puis, il allait monter la caille. Là, il veut dire, chérie, mais Joe Marie, oui. Et à vivre, il ne peut pas répondre, monter, ni descendre. Joe dit, c'est ma route, Joe, oui. C'est ma route, Joe. Je suis touché, je suis passé faire provision, mais reste là, j'en peux pas où. C'est alors, fille a levé, il garde Joe, et puis courir l'embrasser Joe, et puis toi, tu bouches, tu mets ton bruit Joe, la bras, les petits lascas au Joe. Vous comprenez? Aïe, aïe, aïe. Ces jours-là, je passe une bonne journée, je mange bien correctement. Oh, trois mois pas passé. Pendant dit Joe, au point de ça passé. A faire pousser moi-même qui parle de marché, qui a fait provision, qui a pu faire manger. Je ne suis pas encore. Je ne suis pas encore. C'est pour capable pour mon bon. Je dis ma chère, mon malhonnête, pour mon vélancier, après de prendre ça, toucher. Comprends, il va même assez pour nous vivre dans la caille là. Pour m'apprêter 5, 6, 7, 8, 9 dollars là dans l'île, mal payé au bon. Un bac est possible. Puis il a dit, je ne suis pas besoin de connaître, c'est pour capable mon bon. Et puis Joe vexé, je dis, bon bon, non, bon bon. Maintenant, je vais vous dire que vous avez dit que vous gras. Aïe, aïe, aïe. Je vous dis que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous La frère là, maintenant, il parle de travail. On va dire, t'en dedans. Petit bonhomme, même ça, il fait trier pour aller maintenant, il fait. Il tue pour l'île, tremper. La frie pour lui. Joe, même, a fait la navette pour cuisiner. Quand on a dit, petit bonhomme, par contre, fait manger. Alors, après, il a soi-disant, pour l'expliquer, petit bonhomme, ça pour le faire. Petit bonhomme, même intelligente qu'elle est. Bonhomme, vient de la frie, il prend un petit soucoupe. li pon ti zizye, li met nan souk plat pou del badjo. Do di wo, ma pa augmentation, ma pa augmentation, paske mwen pou fè travay yo. Ti bon nan demen msye, ta kontan wi msye. Ay ay ay. Oh, tu ap poule manje ti vant fri, ti vant fri. Nou jou madan jo leve la fèche veni. E pi, jo si ta bon cuisine. Ma kon sa kwa se jo kon lo amoun don ki monte li. Li pop li vete mese ti bon nan. Li fou ekol an ba l'office la. E pi ton ma fè ti bon nan radiografi. Radiografi, radiografi, radiografi. Men jo de kon ti piti gason li, ki tan ti bout chemisette. Ti pina de gen de ti kabret nan meni, kon pala la kouti kod la dani. Alors ti da vire won nan kala brile. Awa, awa, awa. E pi je piti ta tombe sou papa, an ba l'office la ka fè ti bon nan radiografi. Ou kon ti moun. Petit la rele wo Mati Mati Mati Mati Mati pendant ce temps là yo même besoin petit habiller sal sotoué ni pour pas répéter sal ta prébédé a ni pour petit dame sous épaule li il regarde notre jo m'a passé sous le football pour vous m'a mené à jouer dans Racine ou à venir jouer sélectionné ou à voyager ou à faire grand joueur tout pour n'avoir alors face au petit d'accord à billet bagaille là il traverse dans boutique en face là il achète deux petits sachets bonbons comprendre il chire petit bonbon en plus pour mettre dans boutique jo tijo m'a pour les bonbons yam yam yam yam m'a dit m'a dit m'a dit m'a dit m'a dit m'a dit pendant ce temps là maman vient paraître maman dit Tijo vient raconter maman ça gagne vient dit maman vient dit maman ça passé yo dit comment ça passé maintenant Tijo m'a ton bagaille ouais Tijo si me quitter Tijo demeurer dans cale ensemble avec vous Tijo pas qu'il fassion petite m'a perdu il pas qu'il fassion une série de bagages qui passent depuis des mois dans cale ou après les petits là pour venir dire pour venir raconter ou m'a des petits qui pour dans un dans tripotaille. Maintenant, je dis, oui, imbécile. Petit dame, même jazz là. M'a dit, m'a dit, m'a dit. À la fin, je vexé, je l'ai même vu, non. Vite, dis maman, ça passe à non. Où c'est que le bail qui passe depuis des mois et des mois dans le cas là. Depuis des mois et des mois, vous pensez que vous avez la photo, mais dis maman, dis maman, tout dis maman. Petit dame, dis maman, souhait. Maman, souwe maman. Samedi ou ta fait avec quoi c'est l'autre jour, c'est lui mon papa ma fati bonne. Son gris montagne même ma baou.